qu'est-ce que tu retiens de cette année-là rapidement? C'est l'intimidation. Moi, c'est ce que j'en revenais pas. J'étais intimidé des gens. Là, par exemple, quand ils ont manifesté chez moi, il était à peu près 300 autour de la maison à crier Martineau, Martineau, blablabla. Mon fils de 4 ans qui pleurait dans la maison. Les gens qui essayaient d'entrer, parce que j'avais barré les portes. Ah. Il y a des gens qui étaient par en arrière, qui essayaient d'ouvrir les portes pour rentrer chez nous quand ça agresse. Et pour faire quoi? Pourquoi ils t'arrêtent décapité? C'est quoi? Sais-tu c'est quoi ça? Avec le temps, ma lecture du fameux printemps érable, qui est dépeint par certaines personnes comme un printemps festif, un printemps où la famille sortait, où c'était joyeux, où c'était fin. Moi, je n'ai vu que des gaunes et de l'intimidation et des insultes. Selon moi, c'était un sursaut de la gauche qui n'acceptait pas que la droite, soudainement, ait droit au chapitre. Parce que depuis quelque temps, les gens de droite, les gens conservateurs sont sortis du garde-robe et ils disent, nous autres, on veut se faire entendre. Ils ont une voix, entre autres par le Journal de Montréal, le Journal de Québec, entre autres par vous à la radio. Et je pense que la gauche n'était pas habituée à partager le temps d'antenne. Il était toujours tout seul à parler. Et là, il était en Christie. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est nous faire fermer la gueule. Fermez vos gueules. Alors là, tu avais les mouvements étudiants, les mouvements de gauche, les syndicats qui sont sortis et qui ont visé certaines personnes en particulier. Et Choix, c'est une maudite radio poubelle, puis Journal de Montréal, c'est Québécois, puis Martineau, puis c'est puis ça. C'est un tweet, c'est un tweet de gauche. Fermez la gueule parce qu'ils sont pas habitués de partager le micro. Et c'est assez particulier, Dominique, pour des gens qui ne cessent de vanter la diversité, la diversité des cultures, la diversité des langues, la diversité sexuelle. La gauche est pour la diversité, mais quand c'est le temps de vanter la diversité d'opinion, c'est fuck you, fermez vos gueules, puis rien que nous qui ont le droit de parler. Hey, merci beaucoup, et Richard. C'était vraiment ça, et c'était le festival de l'intimidation, c'est et bien. Les intellectuels se sont fermés la gueule pendant qu'il y a des gens qui intimidaient sans foi ni loi, sans aucun maudit problème. C'est tellement vrai ce que tu as dit, je pense que je vais le prendre en photo ou je vais le tweeter après. Hey Richard, c'est formidable, ça finit bien l'année. Merci beaucoup. Et là, on se reparle au retour des fêtes, là, tu prends un petit break. Au retour des fêtes, t'aimes ça à date Radio X? C'est pas... J'adore ça. Et comme je le dis, moi je suis pour la diversité d'opinion. Ben oui. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des gens de l'autre côté qui veulent rien que... On ferme notre gueule. Je trouve que le débat, c'est sain. Les discussions sont saines. Ils devraient être contents que soudainement, il y a des débats comme ça. Mais non, ça a l'air qu'ils aiment pas ça. Ils veulent. C'est seulement leur point de vue qui doit être entendu et c'est tout. C'est un tweet tatoué. Duplessis l'avait dit, mais de la gauche. Ouais. T'as toi de la gauche. C'est exactement ça. Retournez dans votre trou où vous étiez. On aimait ça quand vous aviez honte de ce que vous pensiez. On aimait ça lorsque vous étiez pas organisé, lorsqu'il y avait pas de réseau Liberté Québec, lorsqu'il y avait pas, tu sais, lorsque vous étiez chacun dans votre coin. That's it. Là, ils sont pas habitués, puis ils prennent pas. Et c'était ça. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. Joyeux Noël, bonne année.